un père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bible des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Grégoire Solotareff. Je vais vous raconter l'histoire du jeu de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est simple. C'est ce qui est ou ce qui était. C'est l'histoire d'un chat appelé Charlie. Il aimait les souris. Pas forcément pour les manger, plutôt pour jouer avec elles. Il trouvait que depuis quelques années, il y en avait de moins en moins. Pourquoi ? Se levait-il trop tard ? Était-il devenu myope ? Ou était-il moins vigilant ? Ou alors, y avait-il trop de chats ? Quant aux oiseaux, ils étaient toujours dans les branches, un peu trop haut. Bref, ce jour-là, Charlie regardait l'horizon en se réveillant de sa sieste. Il se frotta les yeux en se disant que les souris se faisaient de plus en plus rares, et d'une pensée à l'autre, il se demanda s'il n'allait pas finalement prolonger sa sieste. Le soleil, qui se couchait, brillait de mille feux. Tout à coup, il aperçoit, justement, une souris dans le champ qu'il observait. Il bondit, la poursuit un moment, la bloque à terre et lui dit « Salut souris, il fait beau, un temps parfait pour s'amuser. Tu veux jouer avec moi ?»« Non mais ça va pas, » fait la souris. « Tu te moques de moi, tu m'empêches de bouger avec ta grosse patte là et tu me demandes de jouer ?» En vérité, tu veux manger. Les chats, on les connaît. Ils veulent toujours nous manger. Mais non, pas du tout. Enfin, pas moi. Je veux dire, je veux seulement jouer. Charlie avait pourtant bien fait attention à ne pas sortir ses griffes. Il relâche un peu la pression de sa patte pour ne pas contrarier la souris qui parvient à se dégager et part en courant. Salut. Pour jouer, ce sera une autre fois, lance la souris. Mais les chats sont têtus et rapides. Il lui suffit d'un saut. Charlie rattrape la souris. « Hé, ne t'en va pas. Promis, je ne te mange pas, » dit-il. « D'abord, tu ne me touches pas. Ensuite, éventuellement, je peux écouter ce que tu as à me dire, mais gardons un peu les distances. Tu veux bien ?»« Je ne te toucherai pas, » dit le chat. « Je ne bougerai pas. » « Jouer à quoi ?» demande la souris. Tu disais, les chats ne disent pas la vérité. Eh bien, justement, je voudrais jouer au jeu de la vérité. Tu connais ? Oh là là, fait la souris. À ce jeu-là, tout le monde est plus fort que les chats. Tu veux essayer ? Demande Charlie. Qu'est-ce que t'en sais ? Je sais que je vais gagner, dit la souris, tout simplement. C'est quoi la règle du jeu ? Vas-y, dis-moi, ensuite on verra. Très simple, dit Charlie. Chacun se cache. Le premier qui voit l'autre dit « vu » et il a gagné. Ça ne se discute même pas, c'est le premier qui a vu l'autre qui gagne, c'est tout. Et si on ment, on a perdu, ça s'arrête là. Facile, non ? Ah bon ? Fait la souris. Au fait, bonjour, enchanté, mon nom c'est Rose. Le chat n'a même pas le temps de dire « moi c'est Charlie » que Rose a disparu. Mais elle n'a pas besoin d'entendre son nom, Rose. Elle le connaît, comme à peu près toutes les souris du coin. Il s'appelle Charlie, elle sait que c'est un menteur, comme tous les chats. C'est vrai que c'est assez amusant de mentir quand on joue. La petite Rose est si menue qu'elle se cache dans le premier trou qu'elle voit, ni vue, ni connue. Charlie, lui, beaucoup plus grand, et c'est normal, c'est un chat, a plus de mal à se cacher. Il grimpe d'abord à un arbre, hop, hop, vu ! S'écrie la souris en sortant de sa cachette. Ha ha ha, Charlie mon gros, t'as perdu, j'ai gagné. Ha ha ha, voilà, c'est terminé. Attends, attends, rétorque Charlie. Le jeu n'avait même pas commencé. On n'a pas dit partez. Maintenant je le dis. Partez. Il saute de l'arbre et se cache derrière. Puis disparaît en rampant dans les herbes. Rose, cette fois, ne le trouve pas. Elle est un peu étonnée de cette rapidité. Pour un chat de sa taille, je dois dire, chapeau le chat. Mais je vais le trouver. La nuit va tomber. C'est l'heure des chats. Charlie, sors de ton trou. C'est trop long. Je ne joue plus, s'écrie Rose. Il fait nuit. Où es-tu ? Je m'en vais. Tu entends ? Je m'en vais. Bon, tant pis. Autour d'elle, pas l'ombre d'un poil de la queue d'un chat. Charlie a disparu. Silence. Plus un bruit. La lune se lève sur le champ. L'herbe devient bleue, puis argent. Même les sauterelles dorment à cette heure-ci. Quelques grillons, peut-être. Il faut rentrer. La souris s'en va, un peu déçue que le jeu soit fini. Mais contente, malgré tout, d'être toujours en vie. « Ah !» fait le chat en surgissant devant elle au milieu du chemin. « Vu, j'ai gagné, t'as perdu. Hey, »« Hé !» fait la souris en sursautant. « Tu m'as fait peur, de toute façon je t'avais vu avant. »« Tu mens !» fait le chat. « Ce n'est pas la vérité. C'est moi qui t'ai vu le premier puisque tu as sursauté. Tu as perdu. Ha ha ha, j'ai gagné. »« À mon tour, » dit la souris. « Ça comptait pas, je m'en allais. » Je vais me cacher, ferme les yeux. Et comme tu ne me trouveras pas, je te dis au revoir à un de ces jours, ravi de t'avoir connu. Ah, au fait, mon vrai nom c'est Marie. Charlie est un peu surpris. La souris s'appelle Rose ou Marie ? Si son vrai nom est Marie, elle a menti. Il se retourne, plus personne. Il la cherche, l'appelle. « Hé, Rose, Marie, Rosie. »« Oh, je sais plus. Où es-tu, souris ?» Pas de réponse. Il fait le tour de l'arbre. Regarde à droite, à gauche, dans la nuit. L'appelle encore. Il retourne les pierres, fouille dans les trous, renifle un peu partout. Rien, ni personne. Charlie pense que la souris, cette fois, est bel et bien partie. Il s'est fait avoir. Bon, tant pis. Il se croyait le plus malin, mais finalement, cette souris serait-elle plus maligne que lui ? Du coup, il rentre chez lui et se met au lit. Le lendemain matin... Vu ! J'ai gagné. Coucou, c'est moi, c'est Marie la souris. Tu vois, tu ne m'as pas trouvé. Cette fois, tu ne peux rien dire. J'ai gagné. Et voilà, c'est fini. Mais on ne jouait plus, s'écrie Charlie. C'était hier soir. Tu m'as même dit au revoir. Je ne t'ai pas cherché. Je suis rentré chez moi. Mon œil, fait la souris. Je t'ai vu me chercher pendant une heure au moins. Tu m'as même appelé comment ? Rosie. Ah, tu vois, tu as menti. Tu as donc perdu. Et j'ai gagné. « Même pas vrai, » dit le chat. « Je suis rentré chez moi, c'était la nuit, j'étais trop fatigué. »« Ah !» fait Marie. « Tu ne dis jamais la vérité, je le savais. » Tous les chats sont comme ça. Au jeu de la vérité, dès qu'on ment, on a perdu. C'est même toi qui l'as dit. « T'as perdu, j'ai gagné, le jeu est terminé. » Charlie ne dit rien. Il est vexé. Il s'en va tout penaud chercher quelqu'un d'autre. Pour jouer. Cette souris n'est pas drôle. Les rats sont bien plus bêtes. Avec eux, pas de discussion. On fait la course et puis c'est tout. C'est le plus rapide qui gagne. Allons voir les rats. Charlie s'en va. Qui, en fait, a gagné au jeu de la vérité ? Tous les deux ont menti. On a vu que le chat a bien cherché Marie avant de rentrer chez lui. Il ne l'a pas trouvé. Il a donc perdu. Mais la souris avait-elle vu Charlie avant de sursauter lorsqu'il a bondi ? Non. C'est donc le chat qui a gagné. Au jeu de la vérité, en fait, on ne sait jamais qui a gagné. On ment toujours au jeu de la vérité. C'est vrai qu'un jeu, c'est pour s'amuser. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Oui. Au lit, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.